Frédéric, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Mais à quand une émission sur Cobra? Salut Frédéric, ben écoute, c'est Gilles, j'habite à Metz, il est 2h du matin, je suis en plein dans les cartons. Il y a 4h, j'étais angoissé comme pas possible parce que je savais que j'allais sûrement faire une nuit blanche. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour me détendre? Ben, une évidence. On se refait les anciens blockbusters qu'on n'a pas eu le temps d'écouter. Et tu sais quoi? Ben, ça se passe très bien, je suis très heureux. Et ben écoute, il est 2h du mat, on est parti au moins jusqu'à 6h, et tu sais quoi? Ben, j'en suis heureux. Allez, salut à tous et bonne émission. Yoxotot, Yoxotot, Toulou, Toulou, Toulou. Ah là là, toute mon adolescence. Ne pas oublier les maîtres de la BD, Rich Corben, dit Metal Hurlant, merci Metal Hurlant. Ah, la nostalgie, ces années 80. En conclusion, I love Kraft. Gnac, c'était très bien, hein, sur Lovecraft. Mais personne n'a dit que Lovecraft, ça veut dire amour du métier ou métier de l'amour. Je ne sais pas, l'un ou l'autre. Enfin, de toute façon, il était un petit peu dérangé, ce garçon. Voilà, c'est tout. Salut. Not to be. Dans l'histoire du jeu vidéo, vous vous souvenez quand on regardait une bande-annonce de jeu ou une cinématique en disant « Waouh, on dirait un film !» On n'avait pas l'air bête. Parce que déjà, des films, il y en a des mauvais. Un film n'est pas le maître étalon de l'excellence narrative. Il y a peu de temps, par exemple, j'ai vu Godzilla contre King Kong. Bon, bah, il y a des taches de café renversées qui racontent une meilleure histoire que ce film. Hein. En regardant ces jeux vidéo, on aurait pu dire aussi « Waouh, on dirait un roman !» Waouh, on dirait une bande dessinée. Mais non, toujours le cinéma nous est apparu comme le but à atteindre, le graal de l'aboutissement visuel. Qu'est-ce qu'on était jeunes et naïfs. Parce que depuis, on va se parler franchement, le jeu vidéo, c'est bien souvent mieux qu'un film. Déjà parce que le jeu vidéo ne se contente pas de faire de nous des acteurs, mais aussi le monteur du film. Les zones que l'on choisit ou non d'explorer, les détails sur lesquels on choisit de s'arrêter, les dialogues qu'on va zapper ou non. L'immersion est sans équivalence. La preuve, les adaptations cinématographiques de jeux vidéo, c'est bien souvent la caricature grossière de tout ce qui fait le charme d'un jeu. Alicia Vikander et Michael Fassbender ont beau se donner beaucoup de mal respectivement dans Tomb Raider et Assassin's Creed, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut ressentir un joypad entre les mains. Et me lancez pas sur Resident Evil ou Monster Hunter. Paul W.S. Anderson est le Xavier Dupont de Ligonnès des adaptations de jeux vidéo en film. Je comprends pas qu'il soit encore en liberté. Tout ça pour dire qu'il faut que le monde du jeu vidéo cesse d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, on peut regarder un bon film et s'exclamer « Waouh ! On dirait un jeu vidéo !» France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigliste. Tu crois pas qu'on devrait appeler les autorités? Oh, c'est une super idée, mais on n'est pas vraiment autorisé à... à être ici. Quoi? Ouais, si tu veux pas finir dans une prison panaméenne, on devrait s'en occuper nous-mêmes. C'est quoi le pire? On voit bien que tu ne connais pas les prisons panaméennes. Tu sais te servir de ça? Ouais, c'est comme une caméra. Faut juste... je vise et j'appuie, c'est ça? Parfait. C'est parti. Morning, boys. En 2007, les utilisateurs de PlayStation 3 découvrent Uncharted, un tout nouveau jeu d'action et d'aventure, mais aussi, et surtout, un héros qui fait une entrée fracassante dans le panthéon des personnages de jeux vidéo, Nathan Drake. Aventurier roublard, chasseur de trésors, grimpeur émérite et aussi tueur en série plutôt sympa, Nathan est le fils spirituel d'Indiana Jones et de Lara Croft. Issu des studios Naughty Dog, à qui l'on doit également Last of Us et Crash Bandicoot, la franchise Uncharted n'a eu de cesse de repousser les limites du spectaculaire dans la mise en scène des aventures de son héros. Véritable lettre d'amour au cinéma d'aventure et du divertissement, Uncharted est un jeu qui doit tout autant à Steven Spielberg qu'à Michael Bay. Pour revenir sur ce qui est pour le coup vraiment un blockbuster du jeu vidéo, j'ai à mes côtés Bérangère Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes guitariste de Nebraska, influenceuse jeu de société sur Instagram sous le pseudonyme de Penelope Gaming. Ouais. Et vous avez lancé votre chaîne Twitch Penelope Gaming FR sur le jeu vidéo et le jeu de société en décembre. C'est ça. Avec nous également, et on est ravis de l'accueillir pour une première fois, Alexis Emma, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour jeuxvideo.com. C'est ça. et deux revenants. Le premier, évidemment, mon comparse Olivier Bénis, bonjour. Bonjour, j'ai dormi là, comme d'habitude. Vous êtes journaliste à la rédaction numérique de France Inter. Votre chronique est la faute aux jeux vidéo qui est diffusée tous les mardis à 5h53 précise. Exactement, c'est pour ça que j'ai dormi là. Et avec nous, on est ravis de la retrouver, Carole Quintaine, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très très bien. Vous êtes créatrice de contenu et vous préparez l'E3, le salon du jeu vidéo, sur vos chaînes avec Julien Chiez. Absolument, là on est très très très content de retrouver l'E3 et pour pouvoir parler de jeux vidéo au quotidien, c'est un vrai bonheur. Ensemble, on va revenir sur l'histoire de la franchise Uncharted, son évolution et ce qu'elle a représenté dans le succès de la console PlayStation. Qui sont Nathan Drake, Sully, Elena, Chloé, tant de personnages charismatiques qui font désormais partie de l'imaginaire de tant de joueurs sur la planète. On s'interrogera sur ce rapport permanent qui existe entre cinéma et jeux vidéo. On parlera du futur film à venir et enfin, à l'ère des consoles next-gen, faut-il espérer un retour ou non de cette saga dans les années qui viennent? Uncharted, c'est parti. Allez, raconte, dis-moi ce que j'ai raté. Si tu savais, Sam, par quoi je commence? Commence par le meilleur passage. Ok, il y a quelques années de ça, j'ai été engagé pour me rendre en Turquie, m'introduire dans un musée et voler une vieille lampe à pétrole. Une lampe à pétrole? Oui, en fait, c'était une relique provenant du trésor perdu de la flotte de Marco Polo. Le trésor de Kublai Khan? C'est ça. Ouais, et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il se trouve qu'au final, ces bateaux transportaient bien plus qu'un simple trésor. Vraiment pas croyable. Ouais, c'est vrai. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. C'était un extrait d'une des cinématiques d'Uncharted 4 et vous venez d'entendre Nathan Drake qui parle à son frère Samuel Drake et qui sont respectivement doublés en français dans une très bonne VF par Bruno Choël et Lionel Tua. Donc première question historique, donc là je vais me tourner vers Olivier Bénis. Qu'est-ce qu'Uncharted, d'où ça vient? Alors, c'est un jeu vidéo, donc on l'a dit, d'aventure, créé par le studio Naughty Dog, avec un premier épisode qui est sorti en 2007, c'est quelques mois après la sortie de la PlayStation 3 elle-même. C'est assez important de le dire, on va y revenir, parce que c'était vraiment une manière de montrer ce qu'on pouvait faire avec la PS3, parce qu'il y avait vraiment un fossé technologique, en fait, qui séparait cette console des précédentes. Alors, pas forcément de la Xbox, qui était la concurrente, qui était arrivée quelques mois avant, mais par rapport à la PlayStation 2, par exemple, on passait vraiment à une toute autre ampleur. Graphiquement, on pouvait faire des choses beaucoup plus joli, presque photoréaliste, de plus en plus photoréaliste en tout cas. D'où cette idée du studio Naughty Dog de se dire tiens, on va utiliser cette technologie pour faire un jeu d'aventure et pour faire le Indiana Jones des jeux d'aventure. C'est-à-dire que vraiment, on va partir sur de l'ambition très très très très marquée tout de suite. Dès le premier épisode, il y avait des paysages gigantesques, on était sur une île, il y avait des détails de partout, tout était magnifique à regarder et ils ont donc créé ce personnage de Nathan Drake qui est un peu le Indiana Jones du jeu vidéo. Enfin, il est inspiré à 99% Indiana Jones, c'est presque le même personnage avec un autre nom, même s'il y a quelques subtilités, notamment un peu plus tard sur son rapport à la famille, sur son rapport à son propre couple. Il y a plein de choses intéressantes qui vont être développées là-dessus. Mais voilà, et c'était un jeu qui avait pour but au départ d'en mettre plein les yeux aux joueurs, de leur fournir un jeu d'action vraiment effréné avec plein de grosses séquences. Quand tu parlais de Michael Bay tout à l'heure, il y a vraiment un petit peu de ça sur le côté des explosions partout, des séquences hallucinantes de cascades qu'on ferait jamais faire à des êtres humains parce que ce serait beaucoup trop dangereux, mais on peut le faire avec un personnage de jeu vidéo. Ou Vin Diesel. Ou à Vin Diesel. Même Vin Diesel ne ferait pas ce que fait. S'il fait tout, Vin Diesel. Il fait tout. Moi, j'ai vu dans Fast and Furious, il fait tout. Hein. C'est vrai qu'il est assez incroyable. En plus. Ouais. Comme Chuck Norris. Et alors, on l'a dit, en 2007, Tomb Raider, c'est un peu le maître étalon du genre aventure action. Et donc, on peut se poser la question, comme il y avait une prise de risque de la part de Naughty Dog, de se lancer sur un jeu qui est exactement sur le même terrain d'expertise. Mm-hmm. Donc, Carole Quintaine, comment on peut expliquer que Nathan Drake a tout de suite tiré son épingle du jeu? Il a tiré son épingle du jeu parce que même si fatalement on va toujours comparer Uncharted à Tomb Raider, on a d'un côté une femme et de l'autre un homme qui est vraiment la représentation en fait de l'Indiana Jones des temps modernes. Hein. C'est comme ça que le décrivait Christophe Balestra, coprésident de Naughty Dog à cette époque. Et je pense que les fans d'Indiana Jones, de films d'aventure, se sont retrouvés jouer dans ce Nathan Drake, qui est un personnage très sympathique, avec des punchlines, qui est un mec adorable en réalité, qui tue plein de gens, effectivement, oui. Mais qui est un mec adorable, et très bien écrit. Et qui a une malchance maladive, à chaque fois qu'il s'accroche quelque part, ça casse. Ça casse totalement, et à chaque fois, il a cette fameuse punchline, hein, pour tous ceux qui connaissent bien la licence, non. Ouais. Mais il finit toujours, c'est ce qu'il dit évidemment, le plus souvent dans tous les jeux, c'est non. Voilà. C'est ça, et finalement, nous, quand on joue, on est là, mais oui, parce que tu l'as dit très justement, hein, Olivier, c'est un jeu qui, quand il est arrivé, on avait vu très très peu de choses visuelles de ce style, enfin de cet acabit. À l'époque, en 2007, on pouvait utiliser toute la puissance de la PS3 enfin, et Naughty Dog a offert quelque chose de très, en fait, qui tutoyait vraiment le cinéma, d'assez bluffant visuellement en termes de détails, en termes de narration aussi. Et je pense que par rapport à Tomb Raider, le truc aussi qui a fait que Uncharted a tiré son épingle du jeu, c'est justement cette écriture. Naughty Dog, ils sont vraiment connus pour arriver à écrire de belles histoires, à bien les raconter, à apporter du relief à leurs personnages. Je ne dis pas que Lara Croft n'a pas de relief, mais je trouve que les Uncharted sont mieux écrits. Elle a du relief, mais sous une autre forme. Ah, ça a changé. Mais justement, oui. Sous l'influence d'Uncharted. C'est-à-dire que l'évolution de Tomb Raider est une conséquence directe du succès qu'a eu Uncharted. Complètement. Et bien sûr. Dans l'histoire du jeu vidéo, vous, Alexis Emma, comment vous avez accueilli l'arrivée d'Uncharted sur cette PlayStation 3? Est-ce que déjà c'est un jeu qui vous a fait acheter la console? Ou est-ce que c'est plutôt sur le tard que vous avez découvert ce jeu? Alors à l'époque, je ne pouvais pas m'offrir la console parce que la PlayStation 3 avait le désavantage d'être très très chère à l'époque. Elle était commercialisée à 600€ lors de sa sortie. Donc je m'infiltrais un petit peu chez mes amis pour voir un petit peu ce jeu d'aventure qui me semblait absolument extraordinaire. Console trop chère ou pas accessible, vraisemblablement c'est une sorte de marronnier chez Sony. Ça revient. Et en plus, il y avait aussi le désavantage pour les développeurs d'être assez compliqué à programmer. On peut notamment voir le fossé qui est entre le premier Uncharted et le second, où il y a vraiment, en fait, en termes de réalisation, un gap, enfin une différence qui est assez énorme. Et en tout cas, oui, c'est vrai que ce jeu, il arrive en fait vraiment au bon moment pour justement mettre en avant ces nouvelles possibilités liées à la haute définition, et surtout avec des consoles nettement plus puissantes pour nous faire vivre des aventures absolument extraordinaires, quoi. Et c'était une exclusivité tout à fait PlayStation, c'est-à-dire qu'on ne pouvait l'avoir que sur cette console. C'est ça, c'est la force du jeu, c'est la force des exclusivités, hein, c'est ce qui te fait acheter des consoles, même si elles sont chères. Bérengère Prévost, est-ce que vous avez découvert la saga Uncharted avec le premier opus, ou c'est arrivé sur le tard? Tout à fait, j'ai découvert ça avec le premier opus. Moi, je suis une joueuse de la vieille, hein, donc j'avais les moyens de m'acheter la PS3 au moment de sa sortie. Et ça a été une des motivations d'ailleurs d'acheter la PS3, ça a été de pouvoir jouer à Uncharted. Ça a été un coup de foudre total. C'est-à-dire que pour moi, Uncharted, c'était le jeu auquel j'avais toujours rêvé de jouer. Enfin, ce que j'avais même pas vécu et ressenti en regardant Indiana Jones, je pouvais le vivre de l'intérieur. Il y avait de l'humour comme dans Die Hard. Il y avait ce personnage qui peut sembler un peu fade d'apparence, mais qui en fait avait beaucoup de personnalité, auquel on s'attachait très très vite, très très fort. Et puis ça n'arrêtait pas. On s'en prenait plein la gueule. Mais pour les amateurs de série, je dirais que parce que je trouve qu'il y a une filiation, le personnage de Nathan Drake me fait penser énormément à Malcolm, le capitaine du Firefly, la série Serenity, je ne sais plus quel est l'acteur qui le... Nathan Fillion. Nathan Fillion, voilà. Fait un énorme forcing pour jouer un jour Nathan Drake, ce qui le rôle lui a échappé sur le film qui arrive, mais en tout cas, il est lui-même fan, et le personnage, je pense, a été très inspiré. En termes de punchline, en termes d'échange, on est vraiment dans une sorte de copier-coller. Même physiquement, il y avait quelque chose où tu te dis, mais vous aussi, vous aimez beaucoup Nathan Fillion, en fait. Il a joué d'ailleurs dans un film fait par un fan qui dure un quart d'heure, 20 minutes, où il a joué Nathan Drake, et c'est extrêmement drôle à voir, parce que vraiment dès le début on se dit c'est lui, c'est ce personnage là, c'est le mec, quoi. Et donc voilà, c'était pour resituer. Et puis bizarrement, moi j'avais jamais accroché avec Tomb Raider, qui aurait dû me vendre le même genre d'histoire, mais il n'y avait pas cet humour, il n'y avait pas... peut-être aussi il est un peu hors la loi, ce personnage, il est un peu voleur, il n'est pas complètement... lisse. Lara Croft aussi, cela dit. Ouais, mais lui, bon. À l'époque, Lara Croft était beaucoup plus. Non, mais rien que la première. C'est vrai. Rien que la première scène de là où il dit la nana quand même qui est caméraman, qui dit ouais, bah c'est comme une caméra, suffit de viser, d'appuyer sur un bouton. D'un coup, tuer, c'est complètement anodin. Et dans ce jeu, c'est, on se dit, est-ce qu'aujourd'hui ça passerait encore d'ailleurs ? Mais voilà, il y avait quelque chose. Le nombre de victimes derrière, derrière les aventures de Nathan Drake, ce mec. Il y a un truc comme ça où faut survivre, quoi. Il faut y aller. Je suis un voleur. Il tue quand même des gardiens de musée, quoi. C'est pas. Oui, mais en fait, ils travaillent pour des consortiums privés et ils peuvent avoir des choses à se reprocher. Complètement, c'est pas des mecs honnêtes. Donc, on pardonne à Nathan. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment très voyou criminel en fait, assumé dès le début. Il incarne magnifiquement un genre de fantasme de l'aventurier à 200%. C'est, et moi, petite, j'avais joué à Rick Dangerous, j'avais joué à. qui est vraiment. À Pitfall aussi. Mm-hmm. Et là. Bam, on s'en prenait plein les yeux, on l'avait enfin, le fameux héros qu'on attendait. Et alors, c'est une idée qui a germé au sein du studio Naughty Dog, mais comment est né ce studio Naughty Dog, Olivier Bénis ? C'est une bonne question. C'est né surtout avec la première PlayStation, en fait. C'est un studio qui a fait ses débuts avec ça. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que leur premier jeu, ça doit être Crash Bandicoot, justement. Ça a démarré avant, hein. Oui, ça a été créé en 84. Voilà, ça s'appelait Jam Software, d'ailleurs, à l'époque. Voilà, Andy Gavin et Jason Rubin. Mm-hmm. Et c'est devenu par la suite Naughty Dog, d'ailleurs. Toute petite anecdote, ils ont donné ce nom au studio en mémoire de leur chien. Alors, je ne sais plus si c'était le chien, c'était deux potes. C'était deux potes. Je crois que c'était une chienne d'ailleurs. Et donc voilà, et effectivement, 96, entre guillemets, c'est là qu'on a connu le grand Naughty Dog avec Crash. Avec Crash Bandicoot, donc une série de 3 épisodes au début sur la toute première PlayStation, qui a été une des séries qui a vraiment fait les beaux jours de la première PlayStation. C'était un des arguments de vente d'ailleurs de la console. C'est un truc assez récurrent avec Naughty Dog. Hein. C'est vraiment, ils ont cette relation très privilégiée avec Sony, qui fait que Sony leur a fait confiance en fait sur les débuts pour lancer des jeux, pour commencer à faire des jeux de lancement. Crash Bandicoot, faut savoir, c'est que c'était un des premiers jeux de plateforme en 3D avec une manière de faire un petit peu différente, donc il fallait vraiment déjà là avec des séquences inventer. Où le personnage vient vers l'écran, vers la caméra c'est parfaitement atroce à jouer. Aujourd'hui rétrospectivement c'est très difficile et voilà, donc il y avait des choses déjà à inventer. En fait, je crois que Naughty Dog, ce qui les caractérise et c'est ce qui a guidé aussi leur façon de faire sur les Uncharted, ils ont envie d'aller plus loin. Ils ont pas envie de faire un jeu vidéo de plus. Ils ont envie de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un jeu vidéo qui irait vraiment un peu plus loin que les autres, que ce soit sur le terme du récit, de la narration, de l'implication avec les personnages, ce qu'ils ont fait avec The Last of Us, que ce soit au niveau de l'implication dans la mise en scène vraiment de l'action. Là, c'est Uncharted. Comme je disais tout à l'heure sur la manière de faire jouer différemment un jeu de plateforme avec Crash Bandicoot. Vraiment, toujours, ils ont cette envie de repousser un petit peu les limites. Pas forcément de faire un truc qui va être beaucoup trop ambitieux, beaucoup trop grand, et à chaque fois ils ont ce flair en fait pour se dire tiens, on pourrait faire ce petit truc là en plus. Ça, je pense automatiquement à Heavy Rain, je sais pas pourquoi. Pour lancer la promo d'Uncharted, Naughty Dog a utilisé une chanson qu'on aime particulièrement chez Blockbuster, c'est Where Is My Man des Pixies. On l'écoute. Stop. Et vous savez quoi ? Cette émission est toujours, oui, réalisée par Céline Hila. Elle est toujours, oui, préparée par Jeanne Paravert. Et aujourd'hui à la technique, Jean-Louis Deloncle. Et on lui dit merci. C'était les Pixies d'un blockbuster sur France Inter et j'en profite pour vous dire que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 01 56 40 30 20 pour évoquer vos souvenirs sur Uncharted 1, 2, 3, 4 ou même si vous détestez Uncharted. Vraiment, c'est le votre répondeur, donc n'hésitez pas à nous laisser un message. Il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. À Trébizonde, des voleurs nous ont attaqués. Père, Maffeo et moi, nous nous sommes fait dérober nos plus grands trésors. Ça a été écrit par Marco Polo. Mais là, tu ne nous apprends absolument rien. Malheureusement, le reste ne veut rien dire. Attends. Pour qu'il ne tombe pas entre de mauvaises mains, j'ai caché mon grand chagrin dans l'endroit le plus inattendu. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Qu'est-ce que je disais ? Un vrai charabia. Là, il parle de la flotte perdue. Ouais. Oh, quelqu'un pourrait m'expliquer ? Marco Polo quitte la Chine avec 600 passagers et 14 navires chargés du trésor de Kubilai Khan. Là, il arrive en Perse un an et demi plus tard. Il ne lui reste plus qu'un seul navire et 18 passagers. Ensuite, il a retranscrit tout son voyage sans jamais mentionner ce qui était arrivé à ces navires et à leurs passagers. Alors donc, quelque part par là-bas, il y a 13 navires chargés du trésor de l'empereur qui n'attendent que d'être retrouvés ? Oui, et c'est ce que votre client recherche. Regarde cette lampe. Elle est couverte d'écritures mongoles. Elle devait être un des cadeaux de Kubilai Khan. La lumière du grand Khan abrite le destin des 13. Marco Polo a caché quelque chose dans cette lampe. Et ça, ça doit indiquer où se trouve la flotte perdue. Alors, on va envoyer ce type se faire voir, non ? C'est clair. T'es des nôtres ? Je crois bien. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers ? C'était un extrait d'Uncharted 2 et vous venez d'entendre Chloé Fraser doublée par Laura Blanc et Harry Flynn doublée par Guillaume Lebon. Uncharted 2, c'est aussi le moment où on a l'impression que Naughty Dog a passé la seconde et même la troisième, parce que je sais qu'en tant que joueur, moi quand j'ai fait le premier Uncharted, que j'ai beaucoup aimé, j'étais pas encore en pamoison. Et c'est vraiment à partir d'Uncharted 2, avec cette séquence d'ouverture, avec ce train qui à flanc de falaise, où on voit un Nathan fatigué qui doit remonter, où je me suis vraiment dit « Waouh !» Là, on est devant quelque chose de spécial. C'est vraiment Uncharted 2, le jeu qui a créé un tournant cinématographique, non ? Roger Prévost. C'est donc à moi que ça s'adresse. Oui, alors, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je pense que quand on nous dit Uncharted, la première scène qui nous vient à l'esprit, à tous, c'est la scène du, même si c'est pas forcément notre favorite, c'est la scène du train, la scène d'introduction de Uncharted 2, où, en fait, c'était là, on passait un cap énorme, et dans la narration, et dans le gameplay. Et dans la mise en scène et dans tout quoi, c'était j'en ai des frissons rien que d'y repenser. Mais effectivement, c'était vraiment un gros bond en avant. Et moi, j'avais déjà eu un choc avec le 1, mais parce que comme je dis, c'était vraiment le genre de jeu que j'attendais. Le 2, c'était on savait que quiconque jouait à cette scène-là, commençait ce jeu-là, ça devenait le jeu favori quoi. C'était vraiment un énorme pas. Et effectivement. La narration cinématographique, elle est à son paroxysme total. Avec, je me souviens d'ailleurs du début de celui-ci, où il y a beaucoup de flashbacks, de passages d'avant. D'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre, c'est un flashback qui a lieu pendant Exactement, où il va y avoir une construction très cinématographique, très peu de temps de mort aussi. Pas beaucoup de... Dans cet épisode-là, on va pas avoir de longues phases de jeu qui n'en finissent plus, et où à un moment, on oublie un petit peu ce qu'on fout là. Ici, tout s'enchaîne très très vite. On est dans les égouts, il y a trois pièces, et puis d'un seul coup, on est dans les sous-sols du musée, et puis hop, d'un seul coup, on a ouvert une porte, et d'un seul coup, on est... Sans arrêt, on ne nous lâche pas. L'histoire est toujours active. Enfin, et puis, c'est à partir de ce moment-là donc, qu'il va y avoir le... Non, ça avait déjà été développé dans le 1, mais vraiment, ce côté, la cinématique... Il n'y a pas de passage en cinématique, oui. Tout est vraiment... Il y a une transition fluide entre la cinématique et le jeu... Bah, voilà. C'est comme un plan séquence où on passe de manière imperceptible à la manipulation du personnage, alors qu'en fait on est en train de regarder une cinématique. Alexis, dans l'histoire du jeu vidéo, l'ouverture de Uncharted 2 a créé un changement en fait. C'est à partir de ce moment-là où vraiment ce que je disais en préambule, quand on regardait un jeu, on se disait oh, on dirait un film. Là, c'était même plus on dirait, on est complètement dedans. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que cette scène d'introduction a quelque chose de très particulier dans son côté exagérément dangereux et peut-être, enfin presque voilà, enfin loufoque de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'elle a quelque chose de très très marquant. Et comparé au premier épisode, c'est vrai qu'en fait l'épisode 2, il va vraiment aller vraiment plus loin dans absolument tout. Je trouve même qu'il va même peut-être un petit peu trop loin dans l'épisode 3, qui a presque un petit peu une sorte de déséquilibre à partir d'un moment, mais c'est vrai que en fait c'est vraiment à partir de ce moment où on va avoir des scènes très impressionnantes qui vont permettre évidemment aux jeux vidéo de faire des plans de communication vraiment vraiment puissants. Et c'est vrai qu'Uncharted pour ça c'est vraiment le candidat idéal, parce que au-delà de sa narration très bien ciselée, de son humour, tout ça, il y a vraiment ce côté visuel qui est ultra marquant. Et de ce côté-là, ouais, c'est vrai que ça marche très bien quoi. Et d'ailleurs, en jouant à cette scène d'ouverture de Uncharted 2, j'ai pas pu m'empêcher de faire un lien avec le deuxième Jurassic Park, avec cette scène qui était quand même justement une sorte de triomphe de réalisation de Spielberg, où il y a ce camion avec ce laboratoire qui tombe et avec les deux tyrannosaures qui se battent avec Julianne Moore, etc. Et en fait, Uncharted 2 répond à la réalisation de Steven Spielberg dans Jurassic Park 2 de manière directe, c'est-à-dire que là on est vraiment dans une sorte de poignée de main entre le cinéma et le jeu vidéo pour dire ok, vous avez assuré jusque là, maintenant c'est nous qui prenons le relais. Sauf que ça, est-ce que vous avez retrouvé aussi ce sentiment là en y jouant, Carole Quintaine? Moi je crois vraiment que Uncharted 2 a marqué durablement l'industrie du jeu vidéo. Il fait partie de ces jeux où clairement il y a eu un avant, un après. Uncharted 1 était très bien, mais ceux qui sont autour de cette table l'ont déjà très bien dit. Le nom du 2, c'était... Le 2 est parti très très loin, c'est Among Thieves. Among Thieves. Ouais, Among Thieves. Parmi les voleurs. Voilà, parmi les voleurs, tout à fait. Et oui, j'ai eu cette sensation aussi, en fait, d'être complètement plongée dans un film, et on a la sensation vraiment que le jeu vidéo s'est inspiré du cinéma. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que parfois le cinéma s'inspire du jeu vidéo. Pas toujours très bien, oui. mais c'est vrai qu'il y a eu des marqueurs comme ça, cette scène incroyable où on remonte ce wagon et où la caméra se place extrêmement bien. C'est là aussi qu'on voit dans la réalisation que Naughty Dog, ils sont très très très bons. On a tout de suite vu que ça tutoyait de plus en plus en fait le cinéma. J'avais envie juste d'ajouter quelque chose, c'est que même j'irais jusqu'à dire qu'Uncharted est un plus grand héritier du cinéma classique américain que ne l'est le cinéma aujourd'hui. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on y retrouve la légèreté, l'action permanente, le sujet classique, la construction classique, complètement sans complexe. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de mal à faire des films de ce genre de format-là. Et voilà, c'était juste pour dire ça. C'est vraiment, non, mais c'est vraiment vrai, pour moi, c'est un très bel héritier. C'est l'héritage du cinéma classique américain. Mm-hmm. Se retrouve plus dans Uncharted que dans certains films d'action actuels. Olivier Bénis, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé dans la réussite de Uncharted et qui participe justement de cette proximité jeu vidéo-cinéma. C'est la qualité du doublage, que ce soit en VO ou en VF. Qui est absolument incroyable. Ça a énormément joué pour le succès, notamment du personnage de Nathan Drake, qui est doublé en VO par Nolan North, qui est quasiment devenu une espèce de dieu du doublage dans le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire quand on pense doublage de jeux vidéo, en fait, très souvent, c'est encore pire que dans le cinéma. Quasiment personne à une époque n'était capable de citer qui était la personne qui doublait tel personnage. Même Mario, peu de gens savent que c'est Charles Martinet, que c'est une seule personne qui fait toutes les voix. Non, c'est Mario. Mais donc Nolan North a vraiment incarné magnifiquement ce personnage. Comme tu disais, la VF est excellente aussi. Faut évidemment pas lui jeter la pierre, mais la VO est tellement extraordinaire. Moi, j'ai pas pu faire les jeux en VF. En fait, j'étais tellement habitué au jeu de Nolan North. Et il y a vraiment quelque chose. Et pour en revenir à la scène d'ouverture d'Uncharted 2, je suis désolé pour les auditeurs qui se disent pourquoi ils nous bassinent avec une scène. Il faut vraiment comprendre que cette scène, moi je l'ai décryptée en long et en large, parce que j'ai même fait une chronique entière consacrée juste à cette scène pour expliquer pourquoi elle était importante. C'est une scène, pour vous situer un petit peu l'impact que ça a eu même au-delà du jeu vidéo, le réalisateur J.J. Abrams a dit que c'était la meilleure scène d'ouverture jamais réalisée, tout support confondu. Oui, cinéma, série, jeu vidéo. Il dit cette scène, vous propulse en fait dans l'histoire d'une manière que même le cinéma et même un livre ne peut pas vous permettre d'atteindre, parce qu'il y a vraiment ce côté le personnage est mis en danger immédiatement, toute la suite va être quasiment un immense flashback pour savoir comment on en est arrivé à cette situation. Donc au niveau narratif, c'est d'une intelligence vraiment, enfin, c'était exceptionnel. Et comme on disait, il y a cette transition entre le jeu et le cinéma qui ça alterne tout le temps. Il y a des moments où vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes impuissant face à la catastrophe qui se déroule, et des moments où vous pouvez agir, mais vraiment de manière très très limitée. Et c'est pas possible en fait de pas avoir son rythme cardiaque qui est multiplié par deux en jouant à cette scène, en commençant cette scène. Et c'est vraiment une manière magnifique d'introduire une histoire quelle qu'elle soit. Et puis contrairement au cinéma, ici on est acteur, donc on vit directement ce qui se passe, et c'est vrai que c'est une scène qui, qui te met à bout de souffle. Les auditeurs de France Inter le connaissent bien, on y a droit tous les ans, on écoute Hervé avec Rodéo. Couleur béton, je porte le blouson que t'aimais bien sûrement. Je porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'ait plus tes fantômes au parloir. Tout ce que j'entends, c'est ton sourire abstrait. T'as laissé derrière toi mardi dernier. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, je vaux pas mieux qu'un an, je vaux pas mieux que ça. Je veux pas mieux que toi. Moi je les verrai pas. J'ai l'impression de sortir d'un coma. Quand tes yeux me flinguent d'un verre au pas. Tout ce que j'attends, c'est ton fou rire abstrait. J't'ai perdu, j'savais plus combien j'étais. Cette vie, c'est pâle, c'est fade. Sans toi, j'vaux pas mieux qu'un nom. J'vaux pas mieux que ça. J'veux pas mieux que toi. C'était Rodéo d'Hervé, un album France Inter. Frédéric Sigrist. D'un côté. Blockbuster sur France Inter. Nous sommes toujours avec Bérangère Prévost, Alexis Zema, Olivier Bénis et Carole Quintaine pour parler de Nathan Drake dans Uncharted. Mais qu'est-ce que tu fous ? Désolé Nate, mais nos chemins se séparent. Attends Flynn, on a un plan ! Non, tu as un plan. Et il s'avère que t'es pas le seul. Allez, lance-moi la corde, sois pas débile. Ah ouais, c'est vrai, c'est toi le cerveau. Mais je crois que t'as oublié un petit détail. N'est-ce pas, partenaire ? J'y crois pas, tu vas me flinguer ? Non, je veux juste t'évincer un petit moment. Oh merde. Tu croyais que j'avais pas compris tout de suite pour les bateaux ? Mais même un gamin aurait pu deviner ça ! Flynn, écoute. Ta gueule, génie. Je t'ai bien eu. Attends. Il faut laisser aux gardes une longueur d'avance. Bon, faut que je file. Et sans rancune, hein. C'était un extrait d'Uncharted 2 Among Thieves parmi les voleurs, et on vient d'entendre Harry Flynn, toujours interprété par Guillaume Lebon. Alors, on parle d'Uncharted depuis le début, on a vanté ses qualités proches du cinéma, mais ce qui est paradoxal, c'est que quand le cinéma se met à adapter du jeu vidéo, c'est quand même assez gênant. Oui. Je vois pas de quoi tu parles. Bah, il y a quand même de nombreux exemples. Alexis Zema, comment expliquer cette... ce mouvement qui s'est emparé du jeu vidéo, qui fait qu'on a des jeux de plus en plus cinématographiques, et un cinéma qui peine en fait à créer une bonne histoire ou un bon film autour de ce médium. C'est vrai qu'en fait un petit peu le début quand on avait des adaptations de jeux vidéo en film, c'était un petit peu comment est-ce qu'on va essayer de retranscrire un petit peu les gimmicks qu'on voyait à l'écran. Moi j'ai en tête par exemple cette effroyable scène dans l'adaptation de Doom. Cette scène à la première personne et en mode voilà, regardez, c'est comme dans le jeu vidéo. Et avec Karl Urban. Il a fallu du temps un petit peu pour qu'on extrait un petit peu intelligemment des choses issues de cet univers pour faire un film qui soit de qualité. Alors j'ai pas forcément un super bon souvenir des deux premières adaptations de Tomb Raider par exemple, je sais pas trop ce que valent les dernières, mais c'est vrai qu'en tout cas oui, on peut s'interroger sur Uncharted, comment est-ce qu'ils vont procéder. Je pense que ce sera un film d'action en fait assez classique et avec beaucoup de scènes impressionnantes, mais c'est vrai que des fois il y a un petit peu cette complexité à comment est-ce qu'on va prendre ces éléments pour les mettre dans un film quoi. Je crois que le plus gros problème quand on adapte un jeu vidéo au cinéma, c'est que le cinéma veut essayer de retranscrire la sensation qu'on a dans le gameplay du jeu vidéo et veut faire comme le jeu vidéo. Or, c'est quand on a adapté un livre comme par exemple Blade Runner pour en faire un film, on a complètement tout modifié. Le film est une splendeur qui n'est qu'inspirée du livre. Or, c'est ça l'erreur, je crois, dans les adaptations cinématographiques des jeux, c'est qu'on ne s'inspire pas assez. On essaye on s'adresse peut-être trop aux joueurs et pas assez au public en général, et on essaye trop de redonner les sensations du jeu vidéo. Faut extirper l'essence du jeu, peut-être le personnage de Nathan, l'essence du jeu, mais ne pas essayer de retrouver les sensations de gameplay, les sensations qui sont intrinsèques au jeu vidéo dans le film. Je suis d'accord en partie avec ce que tu dis. Il ne faut pas essayer de faire un jeu, forcément, puisque là, on n'est pas acteur, il n'y a pas de mécanique de gameplay. Exactement. C'est très difficile de retranscrire hein, des jeux où tu as tout un tas de séquences de gunfight, etc. Mais par contre, je pense que sur certaines licences, en tout cas, notamment Resident Evil, les gens se sont plus... Enfin, le réalisateur... Paul W.S. Anderson. Ils ont pris plus de liberté. C'est plus adressé à un large public qu'aux joueurs. En tout cas, je ne sais pas si c'était son idée première, parce qu'il a dit avoir adoré les jeux, mais ça s'adresse beaucoup plus à un public qui ne connaît pas les jeux qu'aux véritables joueurs, parce que ça n'a absolument rien à voir avec les jeux. Tu ne retrouves rien de ce qu'on connaît de la licence. Quand tu le retrouves, tu regrettes de l'avoir retrouvé. Complètement. J'ai oublié de rajouter qu'il faut arriver à en faire un bon film. C'est difficile de raconter une bonne histoire, hein, mais après c'est sûr que c'est des films qui sont peut-être qui ont très très bien marché d'ailleurs, les Resident Evil, hein, qui sont peut-être agréables à regarder, divertissants, ça explose dans tous les sens, c'est bankable quoi. Mais pour ceux qui aiment les séries de jeux vidéo, c'est très très rare de trouver de très bons films, peut-être Silent Hill. Christopher Gans. Ouais. En termes d'atmosphère, mais on voit pourquoi. Ouais. De toute façon, il y a moins de justement. Les images sont de Silent Hill sont presque. Si on essaye de faire comme le jeu, ça va déjà marcher un peu. Hein. Oui, bah oui. Étonnamment, j'ai l'impression que y a des films qui ne sont pas des adaptations de jeux vidéo, mais qui sont plus réussis que, enfin, qui sont des adaptations de jeux vidéo qui n'existent pas. Mmh. Je pense notamment à Red 1 et 2, ou même John Wick. Qui finalement dans Scott Pilgrim aussi. Oui, Scott Pilgrim, oui, qui au final vidéo, arrive à distiller le même sentiment qu'on peut avoir en termes de proximité d'univers, mais avec quelque chose qui fonctionne au cinéma. Et j'ai l'impression en fait que y a une sorte de grammaire de l'image qui manque, quelque chose qu'ils n'ont pas compris chez certaines adaptations, qui font que ça fonctionne pour un John Wick, où on retrouve vraiment tous les gimmicks d'un jeu vidéo, c'est-à-dire le maniement des flingues, même le côté boss, même une série comme Le Jeu de la Dame, quelque part, Queen's Gambit, a plus de proximité avec cette idée du jeu vidéo, avec les boss qu'on surpasse les uns après les autres en montant que Resident Evil ou Monster Hunter. Voilà, oui. que j'ai vu. The Mandalorian aussi, et oui, vraiment sur le modèle du jeu vidéo. Hein, tu vas rencontrer un mec qui va te filer une quête annexe, tu vas faire ta quête, ça parle pas beaucoup, c'est très visuel, exactement. Séquence d'action, très chorégraphié, très effectivement il y a cette grammaire. Et tu vas avoir un morceau d'équipement oui. supplémentaire à mettre sur ton armure pour dire que t'as fait ta quête. Oui, non, il y a quelque chose de très très de très très jeu vidéo. Oui. Et paradoxalement, bah c'est pas l'adaptation. Donc peut-être que c'est ça la clé. Après, il y a une sorte de péché originel sur les adaptations au cinéma de jeux Mario. Vidéo, c'est que déjà, non, c'est que très souvent, enfin, même 90% des cas, les producteurs de cinéma veulent faire une adaptation du jeu vidéo parce que le jeu vidéo marche. Exactement. Ils se foutent totalement de faire une histoire ou de reprendre quelque chose de narratif. Ils disent juste, qu'est-ce qui marche en ce moment comme jeu vidéo? C'est tel truc. On va coller le titre sur une histoire faite par un scénariste qui va vaguement adapter l'histoire originale. Alors qu'en fait, comme on disait, ce qui marche bien, peut y avoir des adaptations de jeux vidéo réussies, mais pas des adaptations, je pense, d'un titre en particulier. C'est qu'il faut aller chercher dans le jeu vidéo de la grammaire narrative, des idées, des manières de structurer justement le récit, des choses qui fonctionnent bien. Essayer de faire en sorte de prendre les choses qui ne nécessitent pas que le joueur soit impliqué ou qui ne nécessitent pas qu'il agisse. Et on peut faire des choses intéressantes. John Wick, effectivement, c'est un très très bon exemple. Je pense Scott Pilgrim, c'est encore plus flagrant parce que vraiment le scénario du jeu est un scénario de jeu vidéo du début à la fin. C'est rencontre avec un premier boss. Ça, c'était dans le comics aussi à la base. Voilà, c'est dans le comics aussi. C'est pas ce qu'il faut en fait pour le cinéma s'ils veulent vraiment tirer quelque chose du jeu vidéo, s'ils en ont besoin, je ne sais pas, financièrement ou quelque chose comme ça, il faut chercher dans la structure en fait du jeu vidéo, chercher dans la manière dont on les écrit. Ce qui est très paradoxal parce que justement c'est contre-intuitif. Souvent on se dit pas le jeu vidéo, il faut s'en inspirer pour la narration. On se dit il faut s'en inspirer pour l'action, il faut s'en inspirer pour les choses spectaculaires. Bah non, en fait, faut aller chercher ce que le jeu vidéo invente, à savoir une façon de raconter des histoires différentes. Mais ça doit être très difficile. Enfin, l'exercice est très difficile. Je veux dire d'adapter des jeux comme Mario ou même on peut faire référence même adapter des films à des dessins animés, des comics, etc. Philippe Lachaud a très bien réussi, je trouve, hein, personnellement, avec Nicky Larson. Mais je veux dire le pari était quand même osé. Alors là, il y a débat. Je trouve qu'il a très très bien adapté Nicky Larson, mais il n'a pas bien adapté Cynthia. Voilà. Mais il l'a dit, c'était vraiment Nicky Larson. Oui. Mais oui, avec toute la génération Club Dorothée, des clins d'œil, en veux-tu, en voilà. Effectivement, ça n'a rien à voir. Et de toute façon, Nicky Larson, on est d'accord, n'a rien à voir avec City Hunter. Oui. Mais je suis complètement d'accord sur le fait que ça reste un épineux problème. C'est vrai que j'ai encore vu des photos de tournage il n'y a pas très longtemps de Sonic 2. Et je vois ces acteurs, donc ces intermittents, ces gens qui ont fait des études et qui se retrouvent face à trois, un Sonic, un Tails et un Knuckles, comme ça, en plastique, ils disent voilà, ils vont être là, on les rajoutera à l'image de synthèse après. C'est sûr que ça doit être quelque chose à jouer. Il faut avoir une force de conviction qui est sûrement. Oui. Voilà. C'était un des gros problèmes des acteurs sur la prélogie de Star Wars quand il y a eu l'épisode 1. Ils racontaient que c'était. Enfin, l'épisode 2 d'ailleurs, ils racontaient que le tournage était un cauchemar parce qu'on les mettait devant un fond vert en leur disant voilà, donc là tu vois, il y a un spatioport là-bas, il y a un personnage ici, il y a un truc là, on va faire une croix pour tel mec et tu parles à lui. Il faut un effort d'imagination et de projection qui est assez d'où intense. L'importance de les récompenser aux Oscars, ces acteurs, pour leur santé mentale déjà. Oui, je pense que ça leur fait du bien. On marque une petite pause dans les épopées de Nathan Drake avec Tutelle de Nick Waterhouse. Are you lost and lonely? Time did you arrive just a waiting line? Are you left thinking that there's no there there? Well, the people care till they just don't care. My voice and I think I keep it. Did I see you walking while you were sleeping? Did I hear you talking? It's like you got some notion. Do you see a mirror where I see it? Laura Terraos avec Toutelle dans Blockbuster sur France Inter. C'est pas vrai. Vous êtes pas en France ? On vient vous sauver. De quoi ? On vous croyait piégé. Ouais, ou pire. Pourquoi ? Talbot nous attendait au château, c'était un piège. Et nous, on croyait qu'ils vous suivaient aussi ? Ouais, je confirme, ils sont ici. Sans blague. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on pourrait baisser d'un ton. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ça fait un jour qu'on essaie de vous joindre. Ah, ouais, j'avais plus de forfait. Tu utilises des cartes prépayées ? Bah, pas le choix, t'as vu le prix de ces trucs ? Ouais, bon, on s'en fout de tout ça. Regardez ce qu'on a découvert. Tout est écrit là. Non seulement le réseau d'espions d'Elisabeth s'étendait jusqu'ici, mais ils faisaient tous partie d'une société secrète hermétique. Les services secrets occultes anglais, l'école de la nuit, le Hellfire Club, l'ordre de l'aube dorée, ils sont tous connectés. Alors John Dee... Et Francis Walsingham et Walter Raleigh et même ton pote Drake, ils en faisaient tous partie. Le but, c'était le pouvoir. Ils tenaient leurs ennemis grâce à l'espionnage, le mensonge, la peur. Attends. Alors, Marlowe et ses sbires sont dans le même ordre secret, mais 400 ans plus tard. Vous pouvez en venir au fait, s'il vous plaît. Oui, il est vraiment temps qu'on parte. Ouais. Tiens, regarde. Quod est superius. Est sicut, quod est inferius. Ce qui est en bas est en haut. C'est la clé de toute cette histoire. C'était un extrait d'Uncharted 3, Drake's Deception, la déception de Drake. Et vous venez d'entendre un petit nouveau, Charlie Cutter, qui est interprété en français par Gilles Morvan. Alors, on touche à la fin de cette émission et on est désormais passé aux consoles de nouvelle génération, hein, pour ceux qui ont réussi à en avoir avant les pénuries, avant les composants indisponibles, enfin bref, ça a été... Les journalistes, quoi. Voilà, oui. Donc voilà, les journalistes ont des consoles. Et est-ce qu'on peut espérer un nouvel opus d'Uncharted ou est-ce que Naughty Dog va avoir l'élégance de dire non, on a tout dit sur le personnage, sur l'histoire de Nathan, désormais c'est fini. Bah, le troisième devait déjà être le dernier, il me semble. Neil Druckmann avait dit qu'il arrêtait après et qu'il ne reviendrait pas. Et en fait, il a fait The Last of Us et puis après on l'a recontacté en disant oh, tu voudrais pas quand même refaire un quatrième épisode. Et bon, donc oui, c'est pas impossible. Je serais très très étonné qu'ils abandonnent. Alors peut-être pas les créateurs eux-mêmes, mais je serais très étonné que Naughty Dog laisse tomber un peu une poule aux œufs d'or comme Uncharted. Ce serait compliqué. Ils ont fait un spin-off après le 4 déjà. Mm-hmm. Voilà, je pense qu'ils trouveront un moyen de réintégrer ça à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que voilà, à titre personnel, même si j'adore la conclusion de l'histoire actuelle, ça me plairait quand même d'avoir une aventure en toute nouvelle génération pour voir ce qu'ils peuvent faire avec ces moyens-là, quoi. Surtout que dans le jeu vidéo, on est rarement finalement, contrairement au cinéma où des fois la suite de trop. Et où on se dit, par exemple, le Die Hard 5, je ne sais plus le combienième c'est. Ah oui, mais il n'existe pas. Voilà, il n'existe pas. Dans le jeu vidéo, c'est rare qu'une suite se plante à ce point-là. On bénéficie des nouvelles technologies, on bénéficie de plein de choses. Ah, et puis certains joueurs de Mass Effect Andromeda pourraient peut-être... Je ne serais pas d'accord. C'est rare de se planter aussi fort. Mm. Et on a quand même du plaisir à retrouver un personnage. Et puis bon, la différence, c'est que 30 ans peuvent s'écouler, mais... Le personnage peut ne vieillir que de 2 ans et on retrouve le même acteur, entre guillemets. Ou faire une préquelle. Voilà, c'est la liberté du jeu vidéo, donc moi je serais ravie personnellement. Je ne serais vraiment pas surprise de retrouver Uncharted. Enfin, moi je suis intimement convaincue et de toute façon ça a été plus peut-être ou moins Chloé. Confirmé avec l'article de Bloomberg qui est sorti tout récemment. Peut-être Chloé, mais on a déjà retrouvé Chloé dans Lost Legacy. Oui, moi je vois plutôt un Sam qui est un personnage extrêmement intéressant, le frère de Nathan. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a tous envie de retrouver que ce soit les aventures de Nathan ou celles de Sam ou celles de Cassie, la fille de Nathan Drake. On a tous envie de revivre ce genre d'aventure sur la PlayStation 5. Voilà, la technologie aussi fait que c'est aussi une bonne occasion de continuer en fait à écrire l'histoire. Tu veux prendre l'exemple de God of War par exemple, qui était censé être fini, où ils avaient buté le personnage principal à la fin et tout. Justement, God of War dans le dernier opus de Cory Balrog, c'est lui lui aussi un enfant illégitime de Uncharted et de sa mise en scène. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé dans la mise en scène, dans les rapports, dans le doublage, vers quelque chose qui... on sent que Naughty Dog a été vu par beaucoup de monde et se sont dit « Oh, il y a des choses à retenir de cette manière de mettre en scène. » Ils sont passés d'une série de jeux qui était une série de ce qu'on appelle un beat-em-all, vraiment un jeu où on que j'adorais déjà. Voilà, moi aussi. C'était mon degré de subtilité. Mais, et le dernier, on arrive à une espèce, toujours un beat-em-all, mais qui est aussi doublé d'une introspection sur le rapport entre un père et son fils. Enfin, c'est très, ça peut paraître très bizarre comme ça, mais ça marche extrêmement bien. Au niveau de l'écriture, c'est parfaitement génial. Et même, est-ce qu'on arrive à fuir à la guerre quand on a fait que ça toute sa vie? Et comment les conséquences de ce qu'on a fait nous rattraperont toujours, quoi qu'il arrive, ou rattraperont notre descendance. Enfin, voilà, c'est en train de me dire que Last of Us et God of War parleraient de la même chose. Ils sont peut-être dans le même univers. Mais pas de la même manière. Mais c'est tellement dans ma tête. Mais ce qui est intéressant aussi sur God of War, c'est le fait que ce soit filmé tout en plan séquence. Et on a vraiment là une œuvre qui tutoie le cinéma. Ça ne s'arrête à aucun moment. Enfin, je veux dire, c'est vraiment du plan séquence du début à la fin. Il est fort probable qu'il y ait un blockbuster sur God of War dans sa totalité. Incessamment sous peu. Teasing. Quelle bonne idée. Recherche dans un coin de studio. Donc. Quelle bonne idée. Alexis Emma, croyez pas que j'ai pas vu que Carole vous regardait quand elle disait oui, Bloomberg a annoncé quelque chose. Est-ce que vous savez des choses qu'on ne sait pas sur une suite possible à Uncharted ? En fait, il y a notamment eu une nouvelle enquête de Jason Schreier, donc le journaliste d'investigation un petit peu numéro 1 dans l'industrie du jeu vidéo, qui a sorti en tout cas cette petite histoire, une division de chez Sony qui voulait se lancer sur un remake du premier Uncharted. Donc apparemment, il y avait cette chose-là dans les cartons. Mais dans tous les cas, oui, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait juste avant, c'est vrai que en fait, Uncharted a joué une place tellement importante dans l'expansion de PlayStation et de un petit peu cette standardisation de cette recette solo AAA très impressionnante. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer qu'une série aussi forte qu'Uncharted ne revienne pas plus tard, et c'est vrai par le biais d'un reboot comme l'a connu God of War. Quoi. Je rebondis juste sur Jason Schreier qui a écrit un bouquin qui s'appelle Du sang, des larmes et des pixels, dans lequel il y a toute une partie qui est consacrée au développement d'Uncharted 4, et notamment comment Neil Druckmann s'est retrouvé un petit peu dans le projet, comment le fait d'être devenu père entre-temps a complètement changé son rapport au scénario. C'est vraiment passionnant à lire. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, Bérangère Prévost, Alexis Emma, Olivier Bénis, Carole Quintaine, merci. Merci d'avoir évoqué Uncharted. J'imagine que si jamais vous êtes joueur de jeux vidéo, vous connaissiez déjà et ça vous a peut-être donné envie d'y rejouer. Ouais, et si jamais vous venez tout simplement de découvrir le monde du jeu vidéo, on vous invite à jouer à Uncharted 1, 2, 3, 4, même l'épilogue. Commencez par le 2, si vous voulez vraiment vous en mettre plein la vue dès le départ. Oui, voilà. Mais alors du coup, après, ils vont être déçus quand ils vont jouer au 1. C'est pas grave. D'accord. Et si jamais ça vous plaît pas, c'est Olivier Bénis. Je vous donnerai Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 pour évoquer vos souvenirs de joueurs sur Uncharted ou sur d'autres jeux, ou même tout simplement nous donner la recette de la tarte au concombre, pourquoi pas. Il y a également la page Facebook de l'émission que j'administre plus parce qu'ils m'ont viré, et également Twitter, que là c'est moi qui administre avec le hashtag BlockbusterEFI. Alors, quel est le plan ? Exactement ce qu'on a dit. On commet le vol, on trouve les bateaux et on se tire avec le trésor. Fais-moi confiance. France Inter.